Un ami, ça reste autoritaire. C'est-à-dire que tu juges mes paramètres, d'accord? Et dans ces paramètres-là, tu ne pénètres pas. Simple. Si un jour je te permets de pénétrer, je t'avertis d'or et déjà quand tu pénètres que là, c'est exceptionnel. C'est bien simple. C'est comme ça qu'on fonctionne. Alors, tu sauras à quoi t'en tenir. T'as un ami, tu voyages avec. Toi, une fois que t'arrives d'un autre pays, il a diarrhée, il chiale, il veut plus d'argent, il a peur. Toi, une fois, tu joues, tu voyages plus avec. Toi, les années, tu recommences à voyager avec. Ben, tu connais le contrat. Si tu pars avec, chiale plus. Tu sais comment qui est. Sinon, pars pas avec. Ouais, mais il aurait pu changer. Tu connais le contrat. C'est tout. Mais lui, mais non. Il y a des clés. Là, je voulais bien faire comprendre la facilité. Alors, la deuxième partie, on revient sur ces clés avant de passer à la période de questions. L'amitié dans la famille, l'amitié entre les parents et les enfants, l'amitié entre les enfants et les parents, c'est deux formes d'amitié. L'amitié entre les patrons et les employés, l'amitié entre les voisins et la moutelle, toute l'amitié. Investir dans le règne humain, c'est simple. On va revenir pareil lors de la deuxième partie. Merci. Alors, on prend une pause, on pose des questions sur papier. Donc, la semaine prochaine, une conférence qui va comporter également des clés. Attention aux ondes de forme.